Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans le Rockfort Show, tous les jeudis soirs, 19h30, 21h30, vous êtes à l'écoute de Jen, Tom et Phil, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, une émission avec des voix cassées, hein, beaucoup de fatigue, mais aussi beaucoup, beaucoup de joie de vivre, beaucoup de sourires, beaucoup d'étoiles dans les yeux, hein. Et on a commencé avec le groupe Accept, tout simplement, parce qu'ils seront en concert lundi soir avec Sabaton à l'Élysée Montmartre. N'importe quoi, ce sera à l'Olympia. Pourquoi Élysée Montmartre ? Je sais pas, je parlais des étoiles. Ouais, c'est parce que ça, c'est avec les étoiles, les Champs-Élysées, ouais. Un truc comme ça. Quoi. Enfin voilà. Apparemment, nous avons un petit souci avec Radio Biz, puisque nous ne sommes pas à l'antenne tout de suite, mais ce n'est pas grave, tout va être. Je suis en lien un instant avec Eric, donc ça devrait être réglé. Voilà. Et donc ce soir, nous allons vous faire une émission spéciale débrief du Paris Metal France Festival, alias le PMFF 6, qui s'est excellemment bien déroulé pendant 3 jours, enfin 5 jours pour l'équipe, pour le staff, et 3 jours pour les festivaliers, c'est-à-dire c'était le vendredi 6, le samedi 7 et le dimanche 8 janvier, et on s'est tous pris un pied d'enfer, n'est-ce pas Jen ? Ah bah si tu le dis, moi j'ai rien vu des groupes. Oui mais bon, je parle de l'ambiance. Voilà. J'ai pris mes mains, j'ai pris mes pieds, j'ai pris ma voix. Alors effectivement, tu les as pris ou tu les as perdus ? Je les ai perdus. Ils sont restés au plan. Alors effectivement, sur un festival comme celui-ci, il y a les gens qui travaillent dans l'ombre et qui ne voient pas grand-chose des spectacles parce que justement, ils sont en train de bosser d'arrache-pied. Donc c'est pour ça qu'elle disait qu'elle avait peut-être tout perdu, hein. Et il y a les autres qui prennent du plaisir, donc vous les spectateurs, et puis il y a aussi les techniciens qui prennent du plaisir parce qu'ils ont pris un max de plaisir à mixer, à faire les lights, à rencontrer les groupes également, des groupes qu'ils ne connaissaient pas. Il y a également les gens du plan qui ont été agréablement surpris par l'ambiance des métalleux et par la bonhomie un petit peu du public et des groupes, et qui s'attendaient vraiment pas à ça. Puisque on va vous le dire maintenant, le Paris Metal France Festival tel que nous l'avons présenté au plan n'a pas rencontré chez eux ce que l'on espérait, c'est-à-dire de l'attention et puis surtout de la promotion qu'on aurait dû avoir. Donc ils s'en sont rendus compte un peu tard, bien évidemment, mais ils ont fait leur mea culpa en disant effectivement vous avez fait quelque chose de vraiment grandiose et on aurait dû peut-être s'y intéresser d'un peu plus près et vous faire un peu plus de promotion. Ceci étant, on a tous bien kiffé ce festival. Et donc on va revenir un petit peu dessus, revenir sur les groupes. On va remercier aussi toute l'équipe technique qui a vraiment, vraiment, vraiment été énorme. C'est-à-dire Seb, Twiggy, Badi et Polo. Ouais. Donc comme vous le voyez, c'était pas une équipe technique extra large. Hein, on est vraiment une équipe technique. Et moi qui me suis greffée. En dessus ouais. Hein, en tant qu'assistante. Et qui a donné vraiment une grande satisfaction et beaucoup de plaisir et beaucoup de confort surtout aux gens qui sont venus sur le Paris Metal France Festival, aussi bien en backstage que dans les salles. Au niveau du son, on a eu que des bons retours, donc merci à vous. On va vous parler des bons retours autres, hein, parce qu'il y a aussi les bons retours de l'intérieur, mais il y a aussi les bons retours de l'extérieur. Et donc ça, c'était vraiment une satisfaction. 41 groupes, pas une minute de retard. Un festival qui a commencé à l'heure et qui a terminé à l'heure. Voilà, donc nous on est vraiment très très très très contents et on est très fiers aussi de tout ça parce que on partait quand même avec un petit peu la peur au ventre en ne sachant pas trop comment ça allait se dérouler. Et ma foi, le final a été de toute beauté avec un Vulcain rassemblant tout le monde sur scène chantant La Bite du cul. Hein, ça c'était quand même un grand moment du festival. Un autre grand moment avec ADX et Division Blindée, pareil avec tout le monde sur scène. Steel Square qui a été la surprise de dernière minute, qui a remplacé un autre grand groupe qui aurait dû être là mais qui n'y a pas cru, donc dommage, vraiment tant pis, hein. On va pas vous les citer, hein. De toute façon je pense que tout le monde aura compris de qui il s'agissait, mais ils n'y ont pas cru et donc on a appelé Steel Square au dernier moment et ils nous ont dit oui. Quelqu'un m'a dit, de toute façon Phil, tu reconnaîtras tes amis à la fin de ce festival, tes vrais amis, tu les reconnaîtras à la fin de ce festival. Bah, je peux dire que j'en ai gagné des nouveaux. Et puis les vrais, tous ceux qui étaient présents, en fait, ce n'étaient que des vrais amis. Je crois qu'il n'y a pas eu de déception. On va pas parler de déception, même si on a eu une quand même. C'était pas vraiment des déceptions. Il fallait qu'il y ait. En fait, sur tout festival, je pense qu'il y a toujours, au moins une fois par jour, un petit souci. Voilà. On dira pas quoi parce que ça reste en interne, mais ouais, il y en a eu un par jour en fait. Et bah ça va, ça s'est bien géré parce que ça a pas entravé nous notre bonne ambiance interne et en aucun cas ça a entravé aussi notre accueil au niveau des groupes et parce qu'on les a tous accueillis pareil et que il y a pas eu de favoritisme où ils étaient tous à la même enseigne pour nous quoi. Voilà, donc sur les trois petits problèmes, on peut dire quand même qu'il y en a deux qui se sont totalement excusés, qui nous ont envoyé des mails qui nous ont appelé au téléphone pour s'excuser de leur de l'incident qu'il y a pu y avoir. On va parler de musique, on va y aller aussi en musique, hein, on va retracer un petit peu. Alors on ne pourra pas vous passer tous les groupes, hein, bien évidemment, mais on va vous donner aussi le numéro de téléphone du standard d'habitude, hein, le 06 81 01 28 34. Sur lesquels vous allez pouvoir nous appeler, et si vous avez des choses à nous dire, des commentaires à nous faire, vos commentaires à propos de ce Paris Metal France Festival, bah vous allez pouvoir le faire. Le numéro est non surtaxé, hein, bien évidemment, et on va pouvoir discuter. C'est la première fois qu'on le fait, hein, mais on va pouvoir peut-être discuter à l'antenne. Voilà, donc vous n'hésitez pas, appelez-nous si vous voulez passer à l'antenne et dire un petit mot sur votre ressenti sur ce festival. Alors, ça va peut-être être un gros fiasco, personne ne va appeler. Mais en tout cas, vous avez le numéro de téléphone, vous pouvez nous appeler et on gère ça avec vous. Pour l'instant, on va commencer en musique avec un groupe qui nous a remercié cet après-midi. Enfin, c'est le post, je l'ai vu cet après-midi. Le groupe s'appelle Face to Face et ils nous ont envoyé un petit morceau tiré de leur dernier album. Et il s'appelle Fly to the Rainbow. C'est un petit peu l'esprit dans lequel on se trouve aujourd'hui, même pendant tout le festival. C'était un petit peu cet esprit. Aller vers les étoiles, aller vers l'arc-en-ciel, aller vers cette multitude de couleurs qui composent l'arc-en-ciel, puisque c'était un petit peu la composition aussi du Paris Metal France Festival, avec des couleurs totalement différentes, des couleurs musicales totalement différentes les unes des autres, et qui ont toutes fonctionné, qui ont toutes trouvé leur public, et qui ont toutes généré des curiosités, et qui se sont révélées comme étant des choix, à mon avis, assez pertinents, puisqu'on a eu énormément de retours sur ce genre de groupe. Après ça, mon cher Tom, est-ce que tu nous as calé après Face to Face ? On va prendre Octane. Octane qui a ouvert la petite scène c'était le samedi, je crois. C'était le samedi, oui, tout à fait. Hein. Et qui a rencontré aussi un public encore différent, puisque une personne qui n'écoute que du reggae est venue les voir et m'a dit... Quel sacré groupe! Je vais de ce pas au merchandising acheter le CD. Et voilà, ça m'a fait énormément plaisir parce que c'était vraiment quelqu'un qui ne connaissait mais strictement rien au métal et qui nous a fait des compliments aussi bien sur la programmation. Elle est venue comme ça au concert de. Elle est venue. Enfin, la personne, elle est venue. C'était une personne du plan en fait, c'était du staff du plan et qui a été là. En fait, elle devait être là seulement le premier jour et elle est revenue les trois jours pour voir l'ensemble du festival et elle nous a dit bravo, chapeau. Voilà. Donc elle s'appelle Ghislaine, on la salue puisque elle nous a fait quand même pas mal de compliments et elle a été là sur les trois jours du festival et donc on la remercie bien évidemment. Et je pense qu'elle a fait remonter aussi les informations comme quoi le festival c'était pas un festival à deux balles. Troisième titre que l'on va passer ce soir, mon cher Tom. On va laisser soit à Diane. Diane, qu'est-ce que tu veux qu'on écoute en troisième titre? Moi je dirais Freaky Time, même si c'est pas représentatif de ce qu'ils font en live. Ils le méritent. Ouais, alors tiré de leur album Time to Go. Effectivement, encore un groupe qui a ouvert la petite scène le dimanche. Tout à fait. Et encore un groupe qui n'a pas joué devant personne. Non. Ouais. Alors, précisons-le quand même, il n'y a aucun groupe qui a joué devant personne. Tous les groupes ont joué devant un public. Et pareil, Freaky Time n'ont sorti qu'un maxi. Et ils ont rencontré aussi un public. Mm. Pas mal de gens m'ont dit, mais où vas-tu chercher tes groupes? Je dis, bah non, c'est pas les groupes que je vais chercher, c'est les groupes qui viennent à nous. Puis surtout qu'en live, vraiment, ils envoient... Ça déménage. Ouais. Alors, c'est un groupe mixte, hein, de gars, de filles. Mm. Et ils sont vraiment adorables, tous les quatre. D'une simplicité et d'une humilité... impressionnante. Impressionnante. Ouais. Et aussi d'un professionnalisme musical, avec une petite bassiste qui en envoie, mais grave de chez grave. Et après, on pourra dire qu'au chant, on avait une Farah Fawcett Moi je peux vous dire que c'est pas seulement une Farrah Fawcett. Le look, ok, ça fait beaucoup, mais la voix et le dynamisme sur scène, ça fait encore plus. Donc on va vous laisser avec Face to Face, Octane et Freaky Time. On se retrouve tout de suite après. On vous rappelle le numéro de téléphone, 06 81 01 28 34. On attend vos appels. Musique. Thank you. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show. Il est 20h passé de quelques minutes et vous écoutez en fond sonore Unscared qui était présent au Paris Metal France Festival sur la Rock for Stage et qui a ouvert ce festival, enfin sur la Rock for Stage, puisque le premier groupe qui a ouvert c'était Altered Beast sur la Ultimate Stage. Tout à fait. Unscared, là vous les entendez avec une chanteuse puisque c'est elle qui a enregistré l'album, mais ils avaient un chanteur. Voilà, et j'espère que vous avez bien apprécié ce groupe qui nous a bien troué, pas seulement la tête mais également les t-shirts. Il y a des trous partout tellement ça déménage. On va revenir un petit peu sur ce Paris Metal France Festival. On vous a donné le numéro de téléphone tout à l'heure, le 06 81 01 28 34. Si vous voulez intervenir en direct et nous dire comment vous avez ressenti ce festival, comment même si vous avez trouvé des choses qu'on pourrait améliorer, hein, si jamais il y en avait un septième, hein, ce qui pour l'instant n'est pas, n'est pas dans les tuyaux, mais qui pourrait éventuellement, selon les retours que l'on a, que l'on aurait, mais bon, vu tous les retours que l'on a sur Facebook et sur les réseaux sociaux, dans les mails, dans les textos et autres, je pense que on va peut-être y réfléchir. On verra. En tout cas, on a reçu déjà deux textos. Oui, tout à fait. Alors, Beethoven, qui nous fait un gros bisou à tous les trois. Beethoven d'Alix. Voilà. Bah, Beethoven, il n'y en a pas beaucoup. Non, l'autre, il est mort, c'est vrai. Et donc, Chris Led. Qui j'ai perdu la page. Ouais, qui nous dit qu'il est crevé. Qu'il a plus de voix non plus, mais qu'il est avec nous et qu'il pense bien à nous. Voilà. Donc on le salue effectivement bien bas également, parce qu'il a fait un boulot énorme sur ce festival, notamment en amont du festival, puisqu'il est parti flyer sous la pluie, dans le froid, il s'est chopé la crève et tout, et il s'est vraiment pas ménagé hein, pour faire la promotion du Paris Metal France Festival. Donc on le salue bien bas, puis il a été présent jusqu'au dernier jour puisqu'il est venu remballer tout le matériel avec nous le lundi matin. Donc merci monsieur Chris Led. On va citer quand même l'équipe technique, j'avais commencé tout à l'heure mais on n'a pas été jusqu'au bout. Donc je voudrais quand même remercier infiniment Twiggy, Buddy, Seb, Philippe, bien évidemment, et Polo, hein, qui nous ont vraiment, on a trouvé une nouvelle famille. Avec tous ces jours qu'on a passé ensemble, j'avais vraiment pas du tout l'envie de rentrer chez moi. Et quand je suis rentré chez moi, j'avais l'impression d'un espèce de grand vide. J'avais plus non plus mes charmants labradors, parce que comme tout le monde, pas mal de gens me l'ont dit. Dis donc, on voyait que c'était ton anniversaire, tu t'es entouré des plus charmantes jolies filles qu'il y avait dans le festival. Alors je vais remercier bien évidemment Christelle, Charline et Pascaline. Parce qu'il y a une qui est à nos côtés d'ailleurs ce soir, qui nous a fait la surprise d'être là. Donc bah, c'est bien gentil. Qui t'a fait la surprise d'être là. Elle a ramené le champagne. Elle a ramené le champagne. Pour refêter l'anniversaire. Parce que le truc, on ne l'a pas fêté à la radio vu que la semaine dernière, l'émission de jeudi dernier, oui, Jen n'était pas là et elle était enregistrée parce que préparatif du PMFR. Bien sûr. Et l'anniversaire c'était vendredi, donc on va le fêter cette semaine. Voilà, on va fêter les 50 ans, les 35 ans d'ADX et les 10 ans du Paris Metal France Festival. Ça fait quand même beaucoup de choses à fêter, plus la nouvelle année, plus quoi. Je pense que c'est une année où... On va fêter la Saint-Valentin, la fête pas maintenant, pas maintenant. Mais je pense que ça va être une année où on va pas se gêner de fêter tout ce qu'il y a à fêter, je pense. Ouais, il faut profiter. On a bien commencé, et puis voilà, je pense que c'était vraiment bien. Donc si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, 06 81 01 28 34, hein, et on vous passera à l'antenne si vous avez quelque chose à nous dire. Ou même vous pouvez envoyer des textos, hein, parce que je sais qu'il y en a qui sont très timides et qui ne veulent pas passer à l'antenne, qui n'aiment pas leur voix. Et des messages par la page Facebook aussi. Oui, vous pouvez page Facebook. Également faire des messages sur la page Facebook de la radio, sur Air Radio ou sur Rock for Show, ou même sur Paris Metal France Festival. N'hésitez pas. Envoyez tous vos messages. On salue les caribous. On salue les caribous, oui, tout à fait. On salue Eric Flynn, qui a fait le relais un petit peu aussi de toute la promotion concernant le Paris Metal France Festival. On a remercié donc les labradors, hein, les charmants labradors. Ils avaient un poil, une chevelure, une poil vraiment très doux, très soyeux. Puis il y en a un qui m'a dit, oui, mais à un moment donné, j'ai pas compris. Il y avait un gros barbu, t'étais en train de tenir un gros barbu. Est-ce vraiment parce que t'y vois rien? Bah non, c'est parce que à un moment donné, dans la salle, il me dit si tu veux, je te ramène. Je lui dis bah vas-y, fais-toi plaisir, ramène-moi. Et puis, je voudrais qu'on salue aussi des gens qui étaient dans l'ombre, au catering, saluer monsieur Tom ici présent, Monia Beverley, et puis tous ceux qui ont œuvré un petit peu au Catherine. Christelle, parce que ça a tourné, hein, en fait, il y a eu pas mal de gens qui sont venus épauler un petit peu tout le monde. Et voilà, et puis. L'équipe du plan aussi. L'équipe du plan, Moon. Ouais, Moon et toute son équipe. Son équipe tous les régisseurs, les ingés, son, lumière. Ça, c'était vraiment très classe. Et comme... c'était très propre au niveau de la lumière, quoi. Ça envoyait lourd. Et le même son aussi. Au niveau du son. Oui, bien sûr. Mais la lumière, des fois, c'est compliqué quand tu connais pas le groupe et tu sais pas où il doit aller. Et une équipe comme ça qui a réussi à suivre, c'était cool. Ouais, et puis en plus, ils sont pas ménagés sur les lights. Hein. Ils ont vraiment mis la totale, puisqu'on a même eu les totems de chaque côté, les totems de lumière. Et donc, voilà, bon, ça, c'était pour les remercier. Puisque nous n'avions pas les moyens pour avoir nos propres AG Light pour tous les groupes. Et donc on les remercie parce qu'ils ont vraiment. Je pense qu'ils ont pris leur pied aussi à faire ça quand ils ont vu de quelle manière ça se passait. On va passer à de la musique, mon cher Tom. Oui. On va repartir En bateau, bien évidemment. En Belgique, on va en bateau. Et on va ramer. Ouais. On va ramer. On va ramer. En tout cas, on peut les remercier parce qu'ils se sont dépensés, mais grave de chez grave. Et ça envoie grave quand même, hein, ce groupe. Et les Belges de Drakkar sont vraiment des cœurs sur pattes. J'en ai trouvé beaucoup des cœurs sur pattes durant ce festival. Mais ils sont d'une générosité. Ils se ménagent pas du tout. Et tout le monde m'a dit, mais vu la corpulence de Lenny, mais comment il saute partout? Mais comment il fait, quoi? Bah, je crois que c'est dans ses gènes. Hein, c'est comme ça, quoi. Et voilà, donc on remercie les membres de Drakkar une nouvelle fois. On va partir donc avec Drakkar, avec Fire Force, les autres Belges. Et on va finir avec Crying Steel. Donc on va vous passer donc les groupes étrangers, hein, qui étaient présents au Paris Metal France Festival. Et puis on vous reparle un petit peu de l'étranger. On va vous reparler de l'étranger après cette petite pause musicale. Et vous dire que pas mal de gens... Des pays limitrophes et pays étrangers sont venus au Paris Metal France Festival, et que c'était un peu dommage que les Parisiens n'aient pas fait en masse le déplacement vers le plan. Voilà, c'est peut-être un rendez-vous raté, mais qu'ils ne rateront pas la prochaine fois, si prochaine fois il y a. On envoie la musique. Drakkar, on rappelle le numéro de téléphone, 06 81 01 28 34. N'hésitez pas, SMS ou appelez-nous. Cette fois-ci, vous pouvez nous appeler en direct et on vous passe à l'antenne. Musique. Tongue in the words, tongue in the cold, tongue in the innocent to wage a war. Deagogy, the seed of fall, the situations leading to our end. Tongue in the tears, tongue in the fear, just give me everything to lead them all. retour dans les studios. Vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show tous les jeudis soirs 19h30, 21h30. Émission ce soir spéciale débrief du Paris Metal France Festival 6. Et ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Furies. Et c'est eux qui ont ouvert le samedi sur la grande scène, sur l'Ultime Stage. Et qui ont, ma foi, donné une très très bonne performance. Et surtout, elles nous ont chanté un titre de H-Bomb qui était. H-Bomb qui était attendu. Et le titre c'était Double Bang. Donc voilà, c'était vraiment une, quelque chose qui a dû faire énormément plaisir au public du Paris Metal France Festival, notamment les plus anciens, qui attendent avec impatience le retour de H-Bomb. Je tiens à vous dire que j'ai eu Didier Izard, le chanteur de H-Bomb, ce matin. Et ce n'est toujours pas d'actualité, hein, désolé. J'ai encore essayé d'enfoncer le clou et de lui dire « Allez, allez, il faut remonter sur scène, ça va faire plaisir aux fans. » Il m'a dit « Non, et ça ne se refera pas. » Maintenant, l'avenir côté Izard, c'est justement Julian Izard avec son groupe Existence, dont on vous en reparlera certainement au cours de cette émission. Tom, est-ce qu'on n'aurait pas quelque part... Michel, es-tu là ? Au 06... Non, 80... c'est Mickaël. C'est Mickaël, ouais. Mickaël, es-tu là ? Oui, je suis là, ouais. Bon. Je suis en... ouais. Vas-y. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend. Ah, d'accord, ok. Ouais, bah salut à tous. Salut, Mickaël. Salut. Alors, parle-nous un petit peu de ton ressenti par rapport à ce Paris Metal France Festival 6. Est-ce que c'était la première fois que tu venais à ce festival ? Oui, oui, c'est la première fois. Dis donc, j'en avais entendu parler, mais bon, j'avais pas eu l'occasion. Là, j'ai pris un pass 3 jours, donc je suis venu les 3 jours. J'étais bien content d'ailleurs d'avoir un t-shirt. C'était assez sympa de filer ça en plus, quoi. C'est cool, ça fait un souvenir. Et franchement, bah moi, j'ai trouvé top à peu près tout. Ce qui m'a vraiment le plus, c'est qu'on pouvait vraiment rencontrer les groupes, discuter avec eux, et puis la proximité, quoi. Voilà, c'était vraiment bien. Et y a-t-il un groupe en particulier qui t'a le plus plu ? Ah bah il y en a, non, il y en a plusieurs. Moi j'ai vraiment bien aimé en souvenir le vendredi à Merciless, que je connaissais pas, qui m'a vraiment scotché, quoi, dans leur style de musique. Franchement, vraiment très bien. Le samedi, il y a Frantic Machine que j'ai bien aimé. Scholeger également. Et puis Manigance aussi, bien. ADX aussi le samedi, c'était vraiment top, quoi. Et puis le dimanche, j'ai plein de potes qui sont arrivés, donc on a beaucoup discuté, mais bon, Tentation, c'était vraiment bien. Drakkar aussi. J'ai découvert Trashback aussi, que je connaissais pas. Mais franchement, très très bien, quoi. Franchement, pour le prix, quand on voit le prix de certains festivals, avoir autant de groupes... en plus, près de Paris, c'est vraiment bien, quoi. Et tu venais d'où, toi, de la région parisienne, ou tu venais de province ? Ah non, moi, je suis au fin fond de la Seine-et-Marne. Je suis vraiment très très loin, près de Melun. D'accord. Ah bah oui. Là-bas, franchement, il se passe pas grand-chose au niveau du métal, quoi. Bon, bah en tout cas, on espère que tu as pris ton pied. Est-ce que tu as été faire un tour au merchandising ? Ouais, j'ai acheté pas mal de disques, bah justement des groupes que j'ai découverts, c'est vraiment bien. Et puis bah j'étais faire un tour aussi au Metal Market, qui était cool. J'ai trouvé des vinyles que je cherchais, des trucs assez rares, quoi, donc c'est bien. Le bar était sympa aussi, franchement, même les mecs de la sécu étaient trop marrants, quoi. Ils avaient l'air trop cool, quoi. C'est une espèce de grande fête, un peu comme une famille, quoi. C'est vraiment bien. Voilà, et tu nous parlais du bar, justement. Est-ce que tu as vu le groupe Boisson Divine qui a clôturé le samedi soir ? Bah non, parce que justement, j'étais au bar. Ah bah bravo, bravo. Il aurait fallu mettre le bar dans la salle où ils jouaient, comme ça. Mais il y en avait un. Il y en avait un, effectivement. Le seul problème, je dirais que le seul truc qui peut-être à améliorer pour la prochaine fois, peut-être, il faudrait essayer peut-être de mettre un peu de temps entre les groupes, quoi. Parce que dès qu'un groupe arrête d'un côté, il commence à être de l'autre. Fallait un peu cavaler si on voulait voir. C'est pour ça que j'ai raté des débuts de concert. Mais enfin bon, c'est pas. C'est le problème de tous les festivals, hein. Ouais, je sais bien, c'est pas simple. Mais bon. Mais bon, voilà, en tout cas. Pour faire un festival d'une semaine et puis. tu nous trouves des sponsors et puis on arrange ça, quoi. Ouais, je pense que ce serait possible, hein, puisque le Metal Days fait une semaine maintenant, mais ça, c'est en Slovénie. Donc, c'est en Slovénie, c'est au milieu de la forêt. Les conditions sont pas pareilles. Et par contre, les gens se déplacent. Donc, je sais pas, il va peut-être falloir trouver une forêt aussi. Mais du coup, tu venais du fin fond du 77, t'as dormi sur place dans ta voiture, tu as fait comment? Non, j'ai squatté chez une copine qui habite pas loin. Donc, voilà, mais. Je veux pas trop en parler parce que bon. Cela ne nous regarde pas. Ah, mais son mec était pas là, donc c'est. Voilà. Mais bon, si vous voulez faire un trip d'une semaine à la Cambrousse, vous venez chez moi, il n'y a pas de problème, il y a de la place. Bon, c'est cool, merci. On va faire des grands terrains, il y a même une rivière au fond qui passe. Ouais, on peut faire un truc sympa. Barbecue en plus, la totale. Bon, on fera ça peut-être pour l'année prochaine, mais on va peut-être changer d'époque, enfin de période. On va prendre une période un peu plus chaude quand même. Ce serait plus cool, hein, parce qu'il faisait quand même très très froid. Ouais, surtout le vendredi et le samedi, ça caillait quand même pas mal. En tout cas, merci pour ton témoignage. Et puis, on va essayer de t'attendre l'année prochaine, si jamais il y a un nouveau PMFF ou autre chose, on l'appellera peut-être autrement. Parce que c'est bien aussi de dire, ça fait deux fois qu'on dit que c'est le dernier, donc ce serait bien. J'avais 203. C'est pas faux, Tom. C'est pas faux, mais peut-être qu'on réavivera. Oui, c'est ça, c'est réavivé, ouais. Hein. Ouais. Le PMFF pour les 20 ans du PMFF, puisque là c'était pour les 10 ans. Donc ce sera peut-être. On s'était dit rentre. Non, j'arrête. Dis-moi, Michael, je me trompe pas, voilà. C'est quoi là, t'as vu beaucoup de groupes, il y avait 41 groupes, donc 3 soirs d'ADX. C'est quoi le prochain groupe de l'affiche que t'as envie d'aller voir? Ah, franchement, il y en a plein. Ou que tu peux, ou qui. J'ai vu que Merfilette, mais ils sont pas d'ici, ils sont pas de Paris, ils sont de l'Est, mais ils jouent pas mal en Allemagne, d'après ce que j'ai vu, mais bon. En moto, ça se fait? Ouais, bien sûr, ouais. Non, franchement, j'aimerais bien revoir Hurlement aussi, mais eux, je les avais déjà vus. Furies aussi. Furies, ce serait chouette, ouais. Bon, écoute. Ils sont divines, alors, faut que je les vois au moins une fois. Faudra les inviter. C'est à voir, mais je pense que si on réorganise quelque chose, je pense qu'on mettra Boisson Divine et on leur donnera plus qu'une demi-heure pour jouer. Parce que là, la demi-heure qu'ils ont eue, franchement, ils ont mis le feu. Donc, je pense qu'il y aurait moyen de leur donner un peu plus de temps et je pense que ça serait très agréable pour le public. En tout cas, on te remercie beaucoup, Michael, pour cette intervention. Et puis, si d'autres auditeurs veulent intervenir, vous pouvez toujours nous appeler au 06 ou nous envoyer un petit texto au 06 81 01 28 34. Voilà, merci Michael, on va passer à d'autres. Je voulais juste rajouter, apparemment, j'ai cru comprendre que c'était quand même toi l'investigateur de cet événement, comme on pourrait bien le dire. Donc, je te dis bravo et puis n'hésite pas à recommencer, y a pas de problème. Hein, on est toute une bande de potes et on viendra, y a pas de souci. Bon, rien que pour toi, tiens, on recommence, Jen. Ouais, allez, allez. Tom, on recommence. On attend un peu quand même. On attend un peu, ouais. On attend un peu que les finances se renflouent, surtout. Oui, et puis que les genoux, le corps se remette en place. Ah, c'est vrai que c'était éprouvant. Hein. C'est vrai que c'était éprouvant. Bon, allez, on va passer de la musique. Si c'est une histoire que de pognon encore. Ouais, non, ça sert à rien. Comme on a dit, voilà. Ça y est, il a raccroché. Voilà. Ah bah, merci Michael. Voilà. Et bonne soirée. Bonne soirée. Ouais, salut, attends, je crois qu'il écoute la radio en même temps. Oui, il doit l'écouter. Qu'est-ce que je voulais dire? On va passer à de la musique et là on va partir avec des voix féminines puisqu'on avait commencé avec les Furies en fond sonore. Et donc on va partir avec on va partir en Alsace. En Alsace avec Mystery Blue. On enchaînera avec quoi, mon cher Tom? Excuse-moi, je t'entendais pas, j'étais sur le retour de la radio. Ah d'accord, donc je disais, on va partir en Alsace avec Mystery Blue. Yes. Attraction Theory. Attraction Theory. Et Benighted Soul. Alors, c'est ça. Attraction Theory, ils ont eu quand même un truc qu'il faut dire, c'est qu'ils ont fait rentrer quelqu'un en loose day. Et ça, c'est pas bien. Ils auraient pu prévenir parce que ça fait quand même une bouche de plus à nourrir. Ah, complètement. Franchement, la prochaine fois, Constance, tu préviens avant. Même s'il y en a qui ont l'instinct et qui savaient. Eh ben, quand même, quoi. Ouais, donc on remercie beaucoup pour la surprise et le cadeau à Constance qui avait gobé une pomme, je crois, et qui est qui a gonflé. Qui a gonflé d'un coup. Hein. Constante, t'es gonflante hein, quand même. Faut le dire. C'est un petit garçon. C'est un petit garçon, ouais. Et puis, je voulais faire des gros bisous justement aux deux parents. Et les félicitations. À Didier Chéneau et Constance Amélan du groupe Attraction Théorie. Et il y avait aussi Christophe qui a joué quand même dans deux groupes. Avec Patomé. Voilà. Et John. Voilà. John à la batterie aussi. Il y avait Christophe, il ne joue dans des groupes où tous les batteurs s'appellent John. C'est pas faux. C'est pas faux. Hein. En tout cas, John Macaluso, encore une personne étrange. Adorable. Qui est venue au PMFF. C'est vrai. Et qui nous a vraiment. Nous a tapé un petit solo de batterie à la fin. C'était vraiment. Court, hein. Mais c'était juste pour le fait de. Bah voilà, c'est John Macaluso qui était là et qu'on a pu avoir sur le festival. Et je peux vous dire que c'est une certaine fierté et un grand honneur de l'avoir parce que le personnage est vraiment très humble. Très humble. Vrai. Très rempli d'humour également. Oui. Et on a pris beaucoup de plaisir en backstage à discuter avec lui, moi qui parle pas du tout italien, qui parle un anglais vraiment scolaire. Franchement, non, bravo à lui, bravo pour cette humilité, bravo pour son jeu, bravo pour tout ce qu'il a fait par le passé, hein, batteur de Arch. Il a été aussi dans TNT, enfin bref, il a fait pas mal de choses. Hein. Et franchement, ça a été un vrai bonheur de le rencontrer et de l'avoir sur ce festival. Le troisième groupe, Benighted Soul, qui nous vient de Nancy. Qui nous vient de Nancy, ouais, qui nous a vraiment assis. Ils nous ont vraiment assis tellement la performance et le show étaient pro. Tellement ils ont donné aussi de leur personne et ils sont aussi d'une gentillesse assez extrême. C'est vrai. Hein. Et de toute façon, je n'ai pas rencontré un seul groupe qui n'ait pas été gentil. Qui n'ait pas été agréable, donc bon voilà, c'était aussi l'esprit du Paris Metal France Festival. Ce qu'il en est ressorti aussi, dans les commentaires qu'on a eu des groupes, tous sont venus, notamment Océan, Vulcain, les groupes comme ADX, tous les grands, je parle des grands groupes, Steel Square, ouais, ils ont dit ce qui est agréable sur ce festival, c'est qu'il n'y a pas un esprit de compétition, c'est-à-dire que les groupes ne se regardent pas là en disant ouais mais moi je suis meilleur qu'un tel ou je vais battre un tel, tu vas voir, on va leur mettre la misère et tout ça. Il n'y a pas eu ça. Il y avait vraiment une harmonie, comme disait Pascaline tout à l'heure, à la fin de ce fest, cette sensation qu'on s'aimait tous. Et c'est ouais, l'effet de grande famille qui s'aime et il n'y a pas de conflit, il n'y a rien, c'est harmonieux et on s'entend tous bien. Et les gens, bah, on avait tous des étoiles dans les yeux, les sourires au visage. Je ne crois pas qu'il y ait une seule fois dans la journée où j'ai vu quelqu'un avait à faire la gueule, et, hormis une personne, mais on ne la citera pas, et c'était le vendredi. Mais le reste, franchement, vraiment... Tout le monde avec le sourire et voilà. Ouais, c'était vraiment que du bonheur. Donc on vous envoie maintenant pour vous, tout pour votre bonheur et le nôtre également, hein, puisque nous on a vraiment kiffé sur tous ces groupes. Mais avant ça, on va vous rappeler le numéro de téléphone si vous voulez passer à l'antenne comme Mickaël auparavant, 06 81 01 28 34. Et on envoie tout de suite maintenant, sans plus attendre, les filles. We'll be right back. selling a restless sea from a memory, a fantasy that we carry into what water, far from the island. Don't you know you're never going to get your friends? You're a queen of chance. What if I? We'll be right back. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show tous les jeudis soirs, 19h30, 21h30 en France bien évidemment, mais dans le monde entier via Radio Québec, Radio Biz. C'était bien gentil ça, tous les groupes, quelques groupes féminins. Et ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Conscience, notre ami Matt, qui nous a rendu, au centuple ce que nous lui avons donné comme chance pour monter sur cette scène. C'est pas la première fois qu'on le reçoit au Paris Metal France Festival, mais c'est toujours avec un énorme plaisir. Ah, peut-être un appel. C'est Christian. Vas-y, prends-le si tu peux. Ouais, Chris, attends deux secondes. Alors attends, on va attendre un petit peu. On t'écoute. Ouais, ça passe pas. Non. Si, vas-y. Ouais, je peux pas parler fort. Hein. Bah vas-y. J'ai très très mal à la gorge. Bah voilà, attendez. Ouais, merci Chris, c'est super radiophonique. Génial. T'es à l'antenne, Christian, t'es à l'antenne. Génial, c'est super radiophonique. Enfoiré. Bande d'enfoiré. Je suis en train de trier les photos, je travaille pour vous là. Voilà. Bon, moi, qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai passé 5 jours formidables. Hein. Voilà. C'était vraiment 5 jours intensifs, c'était pas que 3. C'était pas que 3. Ouais, voilà. plus tous les jours que t'as passé avant, comme je le disais tout à l'heure, dans le froid, la pluie et autres pour distribuer les flyers. Ah, je parle bien dans le micro parce que ça peut-être ça rend sourd la maladie. Ouais, je pense que ça doit te rendre sourd. Je disais pas que les 3 jours, mais également le fait que tu aies flyé par tous les temps pour nous, et ça c'était merci encore beaucoup quoi. Ouais, mais enfin c'est pas les derniers jours, ils pouvaient pas. C'est surtout quand j'ai foncé avec le matériel, sortir et rentrer le lundi matin, je m'étais pas assez reposé. Et j'étais déjà fatigué des 3 jours. Voilà. Voilà, en tout cas, maintenant tu as un an pour te reposer. Hein. Ah ouais. J'espère quoi. Ah mais je vais lancer une subvention, hein. À 100, je lance une subvention, hein, tu me connais mal. Hein. Non, mais on a vu sur le post ce que tu avais fait. Et puis, en plus, tu veux qu'on aille jouer à l'Olympia maintenant, c'est grand, c'est grand. Ça, c'était pour te refaire plaisir par rapport à l'affiche que j'avais lancée il y a 15 jours. Ouais, enfin, il y a plus que 15 jours, hein, c'était auparavant. Et je t'avais dit que c'était pas le bon moment, et ben là, c'était le bon moment maintenant, puisque voilà. C'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Je peux mettre n'importe qui sur l'affiche. Tu t'aurais pu mettre déjà quelques groupes du PMFF que t'aurais aimé revoir. Tu vois, ça c'est sympa aussi. Voilà. j'en ai revu pas mal, hein, que je connaissais. Bon, Vulcain, ADX, Gang de l'Est de la France, que j'aime bien. Parce que m'ont bien impressionné. Happy Océan quand même. Mes deux potes Océan, je suis en train de converser avec Georges qui veut des photos en avant-première. Bah justement, on a un petit message de Georges, donc on va... Mademoiselle... Je peux pas. Pourquoi tu veux... Parce que ça s'est éteint. Il appelle sur ton portable. Ah, il appelle sur mon portable. Ah bah oui, c'est vrai que tu appelles sur mon portable, donc on pourra pas lire le message de Georges. On le lira à la prochaine intervention, puisque Georges vient de nous envoyer un message qui nous a fait vraiment... qui nous touche. Donc on verra ça tout à l'heure lorsque tu auras raccroché. Bah en tout cas, mon cher Chris, merci pour tout ton travail, merci pour ta dévotion. Alors, le seul regret que j'ai, c'est pas avoir pu faire venir le maire d'MNC, parce que j'espère qu'il m'appellera à la prochaine session du MMF. Je serai toujours aux confluences, au MMF. Chez nous, ça m'a mis pas de subvention, pas d'argent, et puis les petits vieux, il y a trop de bruit. Voilà, donc pas question de faire le PMFF chez nous, hein. Même dans un endroit isolé comme le nôtre, ça marchera pas, hein. La sono en plein air, les petits vieux, puis non, mais... il y a une maison de retraite. Ouais, non mais t'inquiète pas, je pense qu'on a trouvé un lieu qui s'adapte totalement à ce qu'on a voulu faire, les lights étaient formidables, le son était bon, la bouffe aussi des food trucks, on a eu que des bons retours. Oui. On m'a dit. Donc, j'ai pas tellement mangé, c'est ce qui m'a un petit peu affaibli, je pense. Parce que j'allais me coucher, j'avais rien dans le ventre, et puis je m'endormis comme une masse, voilà. Et c'était très très bien. Mais dans l'ensemble, tout le monde a été, je vais pas citer tout le monde, hein, là t'as Jen, t'as Tom, tout le monde. Je me suis fait des super amis quand on a été faire un tour, chercher la bouffe et tout. C'est impeccable. Oh bah écoute, c'était vraiment sympa. Et puis je suis très content de t'avoir rendu service, et surtout pour le métal français. Bah voilà. Merci, merci en tout cas infiniment Chris, parce que c'est vrai que tu as été présent du début jusqu'à la fin, que tu t'es pas ménagé, hein, même si on t'a dit faut te reposer de temps en temps, faut t'asseoir, tu t'es pas ménagé et ça on s'en souviendra, hein, on s'en souviendra et on sait que t'es un peu une force de la nature. Hein. Ah ouais. Oui, je suis une force de la nature, mais quand j'ai rien mangé. Si, je me suis endormi pendant 20 minutes, le concert je l'ai pas vu, c'était Yorben. Là, tout le monde pouvait me chercher, il ne m'aurait jamais trouvé. C'est marrant quand même. Ma copine, elle m'a dit c'est bizarre, je te vois plus traverser. Et puis une demi-heure après, je suis passé et ils m'ont vu. S'endormir pendant Your Blind, faut quand même le faire. Hein, parce que c'est quand même un groupe qui est des potes, avec des potes à l'intérieur aussi. Hein, ouais, Your Blind, je connais, ouais. Voilà. Bon, et puis j'ai retrouvé El Bucho aussi, qui m'a fait une grande tape sur la tête pendant que je faisais des photos. Même tous les musiciens. Bon, je parle pas italien, je parle pas allemand, je parle pakistanais, c'est dommage. Mais la chanteuse qui a failli accoucher sur scène parce que je la faisais tellement rigoler, elle m'a accepté en ami. Ah, c'était génial. Que des bonnes rencontres. Bon, je vais vous laisser finir l'émission. Ouais. Hein, bah, et merci. Puis tu peux toujours compter sur moi, d'accord? Pas de soucis. Voilà. Et on te remercie pour ton appel. Un peu de miel pour ma voix. Voilà, c'est très bien. Un petit peu de lait chaud, du miel, c'est ce que je prends actuellement, tu vois. Donc vas-y, voilà. vas-y. Voilà. Merci Chris. Voilà. Mais là, je viens de prendre une petite soupe auvergnate. Ouais, c'est bon aussi. Allez, on te fait des bises et puis on te dit à la prochaine fois, Chris. Et encore bisous, merci. Bisous Chris. Bye. Voilà. Chris. Bye. Bisous à tous. Salut. Voilà, alors on va essayer de retrouver maintenant le message de Georges. Enfin, de Georges du groupe Océan. Ouais, alors il faut ton. Ouais, bah tu demandes à. Dans non, j'ai pas le... non, je l'ai pas en tête non plus. Alors vous allez vas-y. Meubler pendant que je vais voilà. le taper. Allez. Ouais. Donc apparemment, moi si j'en retiens quelque chose, il y a le numéro 7 qui arriverait peut-être alors. ça on n'en sait rien, mais tout le monde l'a demandé en tout cas. Plus on avance, plus c'est il y a tarif, beaucoup de gens qui l'ont demandé, beaucoup de groupes qui l'ont demandé aussi. Enfin, voilà. Puis le 7, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, parce que c'est chaussettes. Ouais, aussi, ouais. Et comme Jen m'a offert des chaussettes, peut-être qu'on va faire un chaussette. On sait pas, on va voir. Allez, petit message de Océan. De Georges. Donc, tout Océan t'embrasse, des moments qui resteront à jamais. Bravo pour ta persévérance et cette envie de provoquer l'événement. Nous le savons, c'est tellement, tellement difficile. Nous saluons tous les travailleurs de l'ombre, Super Badi, sans oublier ADX, Vulcain et tous les groupes de cette incroyable affiche. Que l'aventure du PMFF puisse générer à d'autres cette même envie qui habite ton cœur de fan. Bisous mon Phil. Voilà, donc c'est vrai que ce sont des messages comme ça. J'ai jamais fait le Paris Metal France Festival pour avoir ce genre de message. Hein. Je vous le certifie. À peine. Je vous le certifie. C'est voilà. Si je pouvais rester dans l'ombre, je resterais puisque la radio déjà nous met assez en lumière comme ça. Mais bon, voilà, ça c'était une fête. Le PMFF a toujours été une fête avant tout. Et on aime bien faire participer les gens. On a aimé aussi le fait que des gens, des musiciens aillent jouer avec d'autres musiciens, avec d'autres groupes. Puisqu'on a retrouvé comme ça le bassiste, le premier bassiste de ADX qui est venu jouer avec son groupe Ultra Volta, qui ont eu des péripéties sur la route et qui ont fini en TGV au lieu de venir en voiture. Voilà, ça c'est des choses, ils ont été quand même jusqu'au bout. Ils sont arrivés samedi soir alors qu'ils devaient arriver samedi dans l'après-midi pour justement voir des groupes, répéter un peu avec ADX et des choses comme ça. Enfin bref, ils sont quand même arrivés, donc ça c'est le principal. On va aussi avoir une petite pensée pour Fred Lican, qui lui n'a pas eu cette chance, a glissé sur une plaque de verglas avec sa voiture, la voiture dans le fossé, ça lui a coûté bien sûr une blinde puisqu'il a fallu qu'il retourne chez lui en TGV. Et cette petite mésaventure lui est arrivée vers Château-Thierry, donc il était loin encore d'arriver au PMFF. Et il m'a dit qu'il était rentré chez lui et qu'il pleurait sur son canapé en regardant sa place du Paris Metal France Festival puisqu'il avait pris un place 3 jours. Et voilà, donc j'ai une petite pensée émue pour lui. Et c'est pas grave, la prochaine fois, si jamais il y a une prochaine fois, ben, on l'invitera comme ça, ça rattrapera un petit peu celle-ci. Bien que je pense pas qu'un Paris Metal France Festival ressemble à un autre Paris Metal France Festival, je pense que tous sont uniques. Et celui-ci l'était peut-être plus unique que les autres encore. Il était très particulier, on va dire. Ouais. Sur 3 jours comme ça, c'est du boulot, bah, c'est du surtout, temps, c'est des groupes, c'est de la conscience. C'est la première fois qu'on faisait autant de groupes, surtout. Ouais. Parce que là, ça avait vraiment l'image d'un festival tel que le Fall of Summer, le Rammfest. Oui, t'as deux scènes en même temps, c'est ça voilà. Qui était bien aussi, c'est que t'avais pas de perte de temps. C'est vrai que tout à l'heure, comme disait Michael, avoir 5 minutes entre chaque groupe, oui et non, parce qu'il y en a qui faut rester dans l'ambiance, donc faut que ça continue direct, quoi. Alors ce qui était bien aussi, c'est qu'on passait d'un style à un autre. On n'a pas, sauf la première journée où on a respecté, puisque ça a été demandé hein, sur Facebook et ailleurs, de faire une journée où le style soit un peu commun. Donc la première journée, effectivement, c'était plutôt dirigé vers Metal Extrême. La deuxième journée, plutôt Heavy Prog. Et la troisième journée, plutôt Heavy Rock. Donc voilà, on a essayé de faire des styles un petit peu. Hein. Excusez-moi. Bon, on va continuer en musique. Parce que c'est aussi ça le Paris Metal France Festival. J'avais dit tout à l'heure, on avait parlé donc des femmes, hein, c'est ça ? Yes. Et tout à l'heure, je crois qu'on avait parlé de l'étranger. Et on n'est pas revenu dessus. Donc c'était juste pour vous dire qu'il y avait des groupes, des spectateurs qui nous venaient de Suède, qui nous venaient de Grèce, qui nous venaient d'Allemagne, de Belgique. De Hollande. De Hollande. Voilà, donc tous ces gens ont fait d'Italie également. Tous ces gens ont fait le déplacement pour venir au Paris Metal France Festival. Ils n'habitent pas la porte d'à côté. Et donc, c'est pour ça que je disais que c'était un petit peu à déplorer que le public parisien pur ne se soit pas déplacé en masse et n'ait pas soutenu en masse cette affiche. Ce n'est pas tellement pour nous, hein, parce que peu importe qu'il y ait eu des bénéfices ou pas, de toute façon, on n'a jamais fait le Paris Metal France Festival pour tirer des bénéfices. C'est juste qu'on aurait aimé faire découvrir aux gens de la capitale qui nous disent qu'il ne se passe jamais rien en France. Eh bien que voilà, là il y avait un endroit où il se passait des choses. Surtout que c'était accessible par le métro et compagnie. Pas par le RER. Par le RER, ouais, voilà. Oui. Bon, certes c'est pas à côté de la capitale, mais c'était accessible et puis vous y allez pour la journée, donc après vous rentrez chez vous et puis voilà quoi. C'était... On avait fait en sorte justement que les concerts se terminent avant le dernier RER et que comme et ça. C'était très bien. Moi qui ai pris une fois le RER la fin de la première soirée pour rentrer, et ben c'était l'idéal quoi. Je suis rentré tranquillement. Voilà, on va continuer en musique, donc comme je vous le disais, on va commencer avec, je vais te laisser les annoncer mon cher Tom. Donc on va commencer avec Merciless, qui a joué en tête d'affiche le vendredi soir. One Last Shot, qui était sur la Rock for Stage le samedi. Samedi, oui. Et Identity. Identity qui était aussi sur la Rock for Stage le vendredi. Et ben on est parti, on va donc commencer avec de l'extrême. Avec du death metal, on continue avec du power rock un peu glam sur les bords, mais vraiment c'est vraiment léger. Et on termine avec du black metal un petit peu symphonique. On envoie tout de suite la musique, on vous rappelle le numéro de téléphone avant ça. Alors 06 81 01 28 34. Voilà, donc si vous voulez passer à l'antenne, nous envoyez vos petits messages, vos SMS également qu'on pourra lire à l'antenne. Vous pouvez le faire. Musique. Yeah! to be cast my sins with stones. My sins, my demons, if it comes to dogs. Jesus, Jesus, divide the Son of God. No one can bind me. He's out in power, rising station. Rebellion, rising, station. retour dans les studios au son de Lone Wolf. Ça, c'est petit cadeau pour Jen. Ouais, je les adore, les petits Wolf. Et attends, ils sont quand même venus de Grenoble hein, pour le PMFF. Hein. Ah non, ils sont adorables. Bon, il y en a qui sont venus de beaucoup plus loin. Hein. Oui, oui, oui, non mais... Perpignan, il y en a qui sont venus de Milan. Ce que je veux dire, c'est que, enfin, voilà, il y a des groupes qui ont fait le déplacement et qui ont complètement, voilà, qui ont complètement adhéré à tout ça, voilà. Alors avant qu'on oublie, puisqu'il nous reste très peu de temps, donc les derniers morceaux, on va vous les fader un petit peu, hein, histoire de marquer des... Du timing, des petits messages, Jen, je crois qu'on a reçu par SMS. Tout à fait, alors on a Stéphane qui nous dit « Salut, petit message pour remercier Philippe pour ce super festival réunissant de très bons groupes très accessibles, dont je vais garder des super souvenirs de discussions pardon, avec des artistes et autres spectateurs. » Ensuite, bon, ici tous les groupes qu'il a vus. Je confirme que les food trucks étaient très bien. C'était impressionnant de te voir avec ton escorte courir d'un concert à l'autre. Très beau boulot, c'était une première pour moi et j'ai envie de dire vivement le prochain. PS, félicitations aussi à tout le reste du staff et la Baddy Team. La fabuleuse Baddy Team. Je crois qu'on avait un message aussi de Lone Wolf, il me semble. Mais c'était sur Messenger là par contre. Ouais, tout à fait. Alors attends, je te retrouve ça. Puisque c'est Lone Wolf qui passe, donc c'est intéressant d'avoir aussi leur petit message. Alors, petit message de Christophe, le batteur de Lone Wolf, qui dit « Je tenais juste encore à te remercier pour ce super fest, pour ta passion, car je pense que c'est vraiment ce qui se dégageait lors de ce festival. Donc tout simplement merci de nous avoir permis de prendre part à cette belle aventure humaine, car par les temps qui courent, ça se fait de plus en plus rare. Et là, ça fait vraiment du bien. Je remercie donc aussi toute ton équipe, les bénévoles comme les professionnels. J'espère qu'on aura un jour l'occasion de se revoir. Porte-toi bien. Et pour info, le but de ce message était de dire qu'on était bien rentrés. Et de lui, il l'a lu il y a 5 minutes. Hein. Ça, c'est quand même dingue, ça. Hein. Ils sont rentrés il y a 5 minutes, ils se sont perdus en route, on voilà. Sait pas trop. Non, non, on a entendu donc, le message. J'ai pas pu tout lire, hein, tous les messages que j'ai reçus, parce qu'il y en a eu quand même énormément. Et puis surtout, on avait beaucoup, beaucoup de choses. En plus, tout s'est mélangé. C'est-à-dire qu'il y avait les messages de gens qui arrivaient au fest. Il y avait le même jour, c'était mon anniversaire, donc toute la famille, les amis et tout ça qui m'envoyaient des messages. Donc tout se mélangeait et tout descendait, bien entendu, dans le fil de réception des messages. Voilà. En tout cas, un grand merci à tous et toutes. Pour tous les il te faudrait une secrétaire la prochaine ah fois. Ah mais complètement, complètement. Mais j'avais mes... Allez, où, mes accompagnatrices, ouais, t'es labrador. J'avais mes labradors. Elle est partie se reposer là. Et en plus, ouais, effectivement, il me fallait aussi une petite secrétaire qui me lise tous les messages que je recevais au fur et à mesure. Mais bon, voilà, en tout cas, tout s'est bien passé. Et on va continuer en musique avec Manigance. Yes, Manigance. On enchaînera avec ADX. Et on finira avec Boisson Divine. Boisson Divine. Et on reviendra juste avant de... Avec une petite surprise. Ouais, voilà. On vous le dit comme ça, ce sera une petite surprise. Un petit final. Alors là, par contre, comme je vous ai dit, hein, étant donné que le temps qui nous est imparti va bientôt arriver à son terme, on va fader un petit peu les morceaux, on va essayer de vous en passer un. On va faire des extraits. Voilà. Allez, musique avec Manigance. Ouais, je suis comme ça. We'll be right back. Désolé de vous couper le morceau Sepera de Poisson Divine. J'espère que beaucoup de monde ont vu ce groupe terminer la journée du samedi. Car franchement, on avait fait un très bon choix en faisant quelque chose de très festif. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont venus nous voir en fin de soirée en disant bravo, bravo, on ne connaissait pas ce groupe-là. Donc ça vous prouve aussi qu'il y a pas mal de gens qui n'écoutent pas le Rock for Show. Hein, parce qu'on en a quand même pas mal parlé. Bah, il loupe des choses, quoi. Voilà. Hein, voilà, donc il est l'heure de se quitter. Donc discuter. Et puis on va se retrouver donc la semaine prochaine pour une émission beaucoup plus classique. Hein. Là c'était une émission, on vous le dit tout de suite, elle n'avait pas du tout été préparée, on a tout fait à l'arrache. Je me demande si on devrait pas faire comme ça chaque semaine. Ouais, on peut. Un minimum préparé c'est bien. Ouais. Trop préparé c'est pas bien. Ouais. Mais un petit peu à l'arrache ça fait du bien. Bon, limite faudrait que tu laisses une plage où c'est plage à l'arrache. Plage à l'arrache. Bon, on va essayer de faire ça, une rubrique plage à l'arrache. Ça te dit ça, Jen? Une rubrique plage à l'arrache. Ah. Ok, ouais, ça, ouais, ça me va, ouais, ça me va. Okay. Allez, métal à l'arrache, métal à l'arrache. On va finir dans une ambiance de fête, hein, puisque le groupe qui nous a offert ce titre au Paris Metal France Festival, elle nous a permis de monter tous sur scène et donc tu vas pouvoir le remettre dès le début. Hein. On nous a permis de faire la fête tous ensemble et tous se dire bravo, merci et à bientôt. Et à je tiens à préciser que sur ce morceau-là, Badi et moi nous étions en train de rouler des câbles. Donc, voyons. Rouler hein, des câbles. Malgré la réputation de Badi, hein, on roulait réellement des câbles, d'accord. On rangeait le matos. Très bien. Donc voilà, donc même ce morceau-là, je ne suis pas montée. Oh là là, c'est triste. Tu es montée sur le gâteau anniversaire. Oui, sur le gâteau d'anniversaire. Bah, heureusement. Ouais. Tout le monde était là d'ailleurs sur le gâteau d'anniversaire. Oui. Non, même les groupes. Ouais, non, ça c'était vraiment fantastique. Et tu t'y attendais pas. Non, c'était le pire, c'est que t'es passé devant nous et on était là, on te regardait. Ouais, tu sais très bien que je vois rien. Donc. Mais non, c'était une grosse surprise parce que je n'ai vraiment strictement rien vu et c'est après, voilà, grosse surprise. Et rien entendu parce que Christian n'a pas été très très très discret. Ouais, non, j'ai rien entendu en plus, donc non. Mais j'étais pris dans mon... Bah, dans la présentation du groupe. Bah oui, forcément. Et donc, ouais. Du coup, voilà. Il est temps d'y aller, donc c'était Rock. C'était fort. C'était le Rock for Show. À la semaine prochaine. Bye bye. On se quitte avec Vulcain.